deuxième partie du dossier sur la pédophilie qui provient d'une source dont je vous ai mis le lien dans la description et dans les commentaires des vidéos. Alfred Kinsey ou la banalisation des déviances. En 1948 sortait le premier rapport Kinsey, du nom de son auteur, Alfred Kinsey, qui avait pour prétention de faire connaître les mœurs des hommes américains en termes de sexualité. Intitulé « Sexual Behavior in the Human Male », ce rapport fut largement relayé par la presse et fut suivi d'un second rapport en 1953 sur la sexualité féminine. L'onde de choc qui suivit la publication de ces données, supposées scientifiques car basées sur les données fournies par 18 000 individus, fut terrible. Ces rapports furent le point de départ de toute une révolution sexuelle et ont servi de base aux récriminations du mouvement homosexuel. En fait, les études de Kinsey ont joué un rôle majeur directement ou indirectement dans l'établissement des valeurs de la majorité des Américains d'aujourd'hui. Elles ont également joué un rôle important dans l'établissement des programmes d'éducation sexuelle enseignés dans les écoles. Aujourd'hui, tout cela est remis en question par un essai, Kinsey, Sex and Fraud, dans lequel les auteurs Judith A. Reisman et Edward W. Eichel expliquent l'extraordinaire degré de fraude qui a caractérisé les rapports Kinsey. Les auteurs montrent que le but de ces rapports était de normaliser un lot de comportements qui avaient toujours été considérés comme socialement inacceptables, tels que la sodomie, l'inceste, la pédophilie et la zoophilie. Montrer que ces comportements étaient plus répandus que le public ne l'imaginait les rendait plus acceptables. Par exemple, Alfred Kinsey l'affirmait que l'homosexualité était beaucoup plus fréquente qu'on ne l'avait alors pensé. En effet, on apprend dans son rapport que 37% de la population mâle des États-Unis fournit au moins quelques témoignages d'homosexualité entre l'adolescence et la vieillesse. Il précisait que 25% des hommes ont eu une expérience homosexuelle distincte et continue entre 16 et 55 ans, qu'un homme sur 8 a une plus grande tendance vers l'homosexualité qu'envers l'hétérosexualité, 10% sont exclusivement homosexuels. De ces études, Kinsey tira son échelle sur l'orientation sexuelle, utilisée depuis comme modèle académique, qui a la particularité d'aller de l'homosexualité exclusive à l'hétérosexualité exclusive. Elle présente donc implicitement la bisexualité comme la condition la plus normale. De cette échelle découle la théorie maintenant dominante que la bisexualité est la norme et le style de vie le plus sain pour les individus. Le président de l'American Psychological Association, APA, fut grandement influencé par Kinsey lorsqu'il prit sa décision en 1973 de rayer l'homosexualité de la liste des désordres pathologiques. Par ailleurs, Alfred Kinsey avait découvert que les enfants étaient des êtres sexués avec un appétit sexuel qui devait supposément être satisfait, et cela dès les premiers instants de la petite enfance. Les études de Kinsey ont également servi à banaliser l'inceste et la zoophilie. Deux livres d'un de ses collègues, Wardell Pomeroy, intitulés « Boys and Sex » et « Girls and Sex », prétendent que les contacts sexuels avec un semblable, un parent ou un animal familier, seraient utiles pour les deux individus, pour autant que les impressions de culpabilité imposées par la culture aient disparu et que les orifices utilisés soient propres. Mon Dieu. Kinsey a aussi réussi à faire croire que la promiscuité, l'adultère et la masturbation étaient des pratiques beaucoup plus courantes qu'on ne le croyait. Ceci amenait à croire que de tels comportements étaient normaux et servaient à réduire la culpabilité de ceux qui seraient tentés d'en faire autant. C'était là les semences de la révolution sexuelle. La plus importante découverte qu'ont fait les auteurs du livre Kinsey, Sex and Fraud est qu'un quart des personnes interrogées par Kinsey étaient d'anciens prisonniers. Un grand nombre de ces hommes avaient eu des expériences homosexuelles en prison. Qui plus est, plus de 60% de ces détenus l'étaient pour des crimes d'ordre sexuel. Et 5% auraient été des prostituées mâles. Il était évident que de cet échantillonnage résulta une information biaisée et non représentative des comportements sexuels. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les données de Kinsey sur la sexualité infantile provenaient d'activités criminelles déguisées en recherche. Reisman et Eichel expliquent « Il semble que Kinsey ait dirigé des expériences sexuelles sur plusieurs centaines d'enfants âgés de 2 mois à 15 ans. » Ces enfants furent stimulés oralement ou manuellement jusqu'à l'orgasme par un groupe de 9 individus, dont quelques-uns avaient reçu un entraînement technique, s'ils n'étaient pas des criminels avant, ils l'étaient après. L'équipe de Kinsey masturbait des bébés de 2 mois jusqu'à l'orgasme et les chronométrait. Kinsey ignorait également tout expert qui tentait de démontrer l'erreur de ses méthodes. Quand il était confronté par un expert à l'évidence que ses résultats étaient biaisés par le comportement sexuel non conventionnel des sujets qui s'étaient portés volontaires pour ces recherches, Kinsey mettait fin à sa relation professionnelle avec cet individu et dans un manque total d'éthique scientifique, cacher délibérément l'information. Alors, petite parenthèse, ça ressemble fort à un profil de pervers narcissique, hein, qui élimine toute concurrence, etc. Pourquoi un tel machiavélisme? Nous savons aujourd'hui qu'Alfred Kinsey a commis des abus envers ses propres enfants et qu'il avait des tendances sadomasochistes. Tout cela explique d'une part pourquoi il a abusé d'enfants sous couvert de recherches scientifiques et d'autre part quel intérêt personnel il avait à banaliser ce type de comportement. Ce qu'il y a peut-être de plus difficile à expliquer, c'est la complaisance qu'ont eu les médias à relayer des informations qui n'avaient en réalité aucune base scientifique. Cela devrait nous faire poser des questions. Car même aujourd'hui, avec la publication de ce livre qui dévoile le véritable but d'Alfred Kinsey, on continue à considérer les statistiques qu'il a créées de toutes pièces comme des vérités absolues. Et en 2005, un film intitulé Dr. Kinsey voit Liam Neeson incarner le Dr. Kinsey en héros combattant contre les préjugés de son temps. Jonathan H.H. Blodow. Alors en bas de page, on a ce commentaire. Aujourd'hui, les tares ont été inversées puisque le sexologue John Money de l'université Johns Hopkins suggère que l'hétérosexualité exclusive est pathologique, une relique culturelle d'une société répressive. La coalition des ordures. Libérez nos camarades. Le journal Le Monde du 26 janvier 1977 publie un communiqué en faveur de la pédomanie. Un appel à libérer trois hommes ayant eu des relations sexuelles sans violence avec des mineurs de 15 ans, garçons et filles. Ces trois hommes s'étant en plus amusés à photographier leur jeu sexuel. Tout cela n'était pas bien grave, selon les signataires, parmi lesquels figuraient des politiciens, Jack Lang, des médecins, Bernard Kouchner, des psychiatres et psychologues et des intellectuels, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Ces signataires, très influents encore aujourd'hui, défendaient alors un discours plaidant pour la décriminalisation de la pédomanie. Voici ce que déclarait le communiqué. Les 27, 28 et 29 janvier, devant la cour d'assises des Yvelines, vont comparaître pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans, Bernard de Jagger, Jean-Claude Gallien et Jean Burcarde, qui sont déjà restés plus de 3 ans en détention provisoire. Seul Bernard de Jagger a récemment bénéficié du principe de liberté des inculpés. Une si longue détention préventive pour instruire une simple affaire de mœurs où les enfants n'ont pas été victimes de la moindre violence, mais au contraire, ont précisé au juge d'instruction qu'ils étaient consentants, quoique la justice leur dénie actuellement tout droit au consentement, une si longue détention préventive nous paraît déjà scandaleuse. Aujourd'hui, ils risquent d'être condamnés à une grave peine de réclusion criminelle, soit pour avoir eu des relations sexuelles avec ces mineurs, garçons et filles, soit pour avoir favorisé et photographié leur jeu sexuel. Nous considérons qu'il y a une disproportion manifeste d'une part, entre la qualification de crime qui justifie une telle sévérité et la nature des faits reprochés. D'autre part, entre le caractère désuet de la loi et la réalité quotidienne d'une société qui tend à reconnaître chez les enfants et les adolescents l'existence d'une vie sexuelle. Si une fille de 13 ans a droit à la pilule, c'est pourquoi faire? La loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans, qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit. Nous ne comprendrions pas que le 29 janvier, Bernard de Jagger, Jean-Claude Gallien et Jean Burcarde ne retrouvent pas la liberté. Alors, vous imaginez que dans leur argumentation, là, ils oublient complètement d'insister sur le fait que des photographies ont été prises. Donc là, en plus, on viole le droit de la personne à être maître de son image, donc le droit du mineur en l'occurrence, hein. C'est ça presque le plus grave en fait, mais ça ils le disent pas. Ont signé ce communiqué Louis Aragon, Francis Ponge, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Judith Belladonna, le docteur Michel Bon, le psychosociologue Bertrand Boulin, Jean-Louis Bory, François Châtelet, Patrice Chéreau, Jean-Pierre Collin, Copy, Michel Cressol, Gilles et Fanny Deleuze, Bernard Dore, François Daubonne, le docteur Maurice Hern, le psychiatre Jean-Pierre Fay, le docteur Pierrette Garou, le psychiatre Philippe Gavy, le docteur Pierre-Edmond Gay, la psychanalyste Claire Gellman, le psychologue Robert Gellman, le psychiatre André Glucksmann, Félix Guattari, Daniel Guérin, Pierre Guyotat, Pierre Hahn, Jean-Luc Héningue, Christian Aignon, Jacques Henrich, Guy Hockenheim, le docteur Bernard Kouchner, Françoise Laborie, Madeleine Laïc, Jacques Lang, Georges Lapassade, Raymond Lepoutre, Michel Léris, Jean-François Lyotard, Dionys Mascolo, Gabriel Matzneff, Catherine Millet, Vincent Montaille, le docteur Bernard Muldworf, le psychiatre Nègrepont, Marc Pierret, Anne Kérien, Griselédis Réal, François Regnault, Claude et Olivier Révaux d'Allonne, Christiane Rochefort, Gilles Sandier, Père Samuel, Pierre Samuel, Jean-Paul Sartre, René Scherrer, Philippe Solers, Gérard Soulier, Victoria Thérame, Marie Tonon, Catherine Valabrègue, le docteur Gérard Vallès, le psychiatre Hélène Védrine, Jean-Marie Vincent, Jean-Michel Willem, Daniel Salnave, Alain Cuny. La déclaration de guerre des homosexuels révolutionnaires. En février 1987, dans Les Nouvelles de la communauté gay de Boston, était publié un article ayant pour titre Pour un ordre homosexuel. Sérieux ou provocateur, nous comprenons à travers les lignes de ce texte que les homosexuels ne sont pas seulement en recherche de reconnaissance et de tolérance. C'est une guerre qui est ouverte avec pour objectif l'élimination du perdant, l'homme hétérosexuel, jugé inapte à satisfaire aux conditions scientifiques d'un ordre mondial où l'on naîtra dans une éprouvette. Cet homme hétérosexuel n'a pas encore compris que l'interdiction de plaisanter sur l'homosexualité, en vertu de la liberté de conscience, est déjà le signe de sa défaite. La guerre est bien plus avancée que nous le croyons. Intoxiqués que nous sommes par les messages et les films de propagande, cernés par les personnages publics gays qui assument leur devoir de prosélytisme en favorisant leurs congénères au poste de pouvoir et de communication. Cela signifie à terme que la société entière sera sous leur influence, ce qui est en partie chose faite, sauf que le moment n'est pas encore venu pour les notables gays de se découvrir au grand jour. Le problème que nous souhaitons aborder en publiant cet article n'est donc pas l'homosexualité qui est un choix intime, mais la propagande discriminatoire anti-hétérosexuelle à l'encontre d'une partie de l'espèce humaine qui désire vivre selon la loi naturelle. Ce futur inquiétant se rapproche à grands pas. Ceux qui ont des yeux pour voir savent qu'il n'y aura pas de quartier. Nous sodomiserons vos fils, les symboles de votre médiocrité masculine, de vos rêves minables et de vos mensonges vulgaires. Nous les séduirons dans les écoles, dans les dortoirs, dans les salles de gymnastique, sur les terrains de sport, dans vos centres d'apprentissage, vos foyers de jeunesse, dans vos douches, dans vos casernes, dans vos relais routiers, dans vos clubs de jeunes, dans vos chambres de députés, partout où les hommes sont déjà entre eux. Femmes, vous gémissez pour les libertés. Vous dites que les hommes sont frustrants et qu'ils vous rendent malheureuse. Alors, nous qui connaissons si bien la mentalité masculine et le corps masculin, nous vous prendrons vos hommes. Nous les divertirons, nous les éduquerons, nous les consolerons lorsqu'ils pleurent. Femmes, vous dites que vous préféreriez vivre entre femmes au lieu de supporter les hommes. Très bien, allez-y et mettez-vous ensemble, les unes avec les autres. Nous procurerons à vos hommes des plaisirs inconnus, car nous sommes des hommes avant tout, et seul un homme peut comprendre comment en satisfaire un autre. Seul un homme peut vraiment comprendre avec profondeur et sentiment l'esprit et le corps d'un autre homme. Vos fils deviendront nos mignons et nos propagandistes. Ils seront réformés à notre image. Ils seront pleins d'ardeur et de passion pour nous. Toutes les lois entravant l'homosexualité seront révoquées. À la place, une législation sera adoptée pour promouvoir l'amour entre les hommes. Tous les homosexuels se tiendront ensemble comme des frères. Nous serons unis dans le domaine artistique, philosophique, social, politique et financier. Nous ne triompherons que si nous offrons un front uni contre l'ennemi hétérosexuel. Si vous en avez le courage, traitez-nous de pédés, de tantes, mais nous poignarderons vos cœurs de lâches et profanerons vos corps chétifs. Nous écrirons des chansons sur l'amour entre hommes, nous mettrons en scène des représentations où les hommes se caressent ouvertement, nous ferons des films sur l'amour entre des hommes héroïques qui remplaceront peu à peu les engouements hétérosexuels sentimentaux, insipides et immatures qui dominent encore au cinéma. Nous sculpterons des statues de beaux jeunes hommes et d'athlètes que nous placerons dans vos parcs, vos jardins et vos places. Les musées du monde entier seront pleins de gracieuses reproductions de garçons nus. Nos écrivains et nos artistes auront des relations sexuelles avec les hommes célèbres, et nous réussirons parce que nous avons l'art et la manière. Nous éliminerons leurs relations hétérosexuelles en les tournant en ridicule, ce pourquoi nous avons une grande habileté. Nous démasquerons les homosexuels puissants qui se font passer pour des hétérosexuels. Vous serez alors choqués en découvrant que vos présidents, vos sénateurs, vos maires, vos généraux, vos athlètes, vos stars de cinéma, vos leaders d'opinion et vos prêtres ne sont pas les bourgeois respectables ni les personnages bien pensants que vous pensiez qu'ils étaient. Nous sommes partout. Nous avons infiltré vos rangs. Soyez prudents lorsque vous parlez de l'homosexualité car nous sommes parmi vous. Il n'y aura pas de compromis. Nous ne sommes pas comme les mauviettes de la classe moyenne. Étant supérieurement intelligents, nous formons l'aristocratie naturelle de la race humaine et des aristocrates inflexibles exigent ce qu'il y a de mieux. Ceux qui s'opposent à nous seront bannis. Nous lèverons des armées privées pour vous vaincre. Nous allons conquérir le monde car des guerriers inspirés et soudés ensemble par l'amour et l'honneur homosexuel, Gay Pride, sont aussi invincibles que les anciens guerriers grecs. La cellule familiale qui génère le mensonge, la trahison, la médiocrité, l'hypocrisie et la violence sera abolie. La famille, qui décourage l'imagination et bride la liberté individuelle, doit être éliminée. Des garçons parfaits seront conçus et naîtront grâce au génie génétique. Ils seront liés ensemble par une éducation commune, sous le contrôle et le savoir de savants homosexuels. Les religions et églises qui nous ont condamnés seront fermées. Nos seuls dieux sont nos jeunes et beaux garçons. Nous adhérons au culte de la beauté morale et plastique. L'exquise société qui émerge sera gouvernée par une élite d'intellectuels homosexuels. La condition majeure pour obtenir une position de pouvoir dans la nouvelle société homo-érotique sera de s'adonner à la passion grecque. Tout homme porté vers le plaisir hétérosexuel sera automatiquement radié de sa position d'influence. Les mâles qui persisteront dans leur stupide habitude hétérosexuelle seront jugés devant une cour de justice homosexuelle et réduits à l'état de paria. Nous allons réécrire l'histoire, cette histoire altérée par vos mensonges hétérosexuels. Nous dresserons le portrait des grands leaders et penseurs homosexuels qui ont fait le monde. Nous démontrerons que l'homosexualité, l'intelligence et l'imagination sont inextricablement liées et que l'homosexualité est la condition essentielle de la noblesse et de la beauté réelle dans l'homme. Nous serons victorieux car nous sommes mus par l'aigreur et le ressentiment envers les oppresseurs qui, à travers les âges, nous ont contraints à jouer des rôles honteux dans leur spectacle hétérosexuel ordurier. Nous aussi, nous sommes capables de tirer avec des armes et d'édifier des barricades de l'ultime révolution. Michael Swift. 3. Dans les hautes sphères. Une justice étrangement sourde. Jouissons sans entrave, se pâmaient les 68 arts dont le meneur, Daniel Cohn-Bendit, se vanta d'avoir échangé des caresses érotiques avec les bambins du jardin d'enfants où il travaillait. L'enfant demande de lui-même la sodomisation et y prend un réel plaisir physique, mais aussi affectif, affirmait dans Libération le pédomane communiste Jacques Duguay, maintes fois condamné et toujours remis en liberté. Libérez nos camarades, pétitionnaient Jacques Lang et Bernard Kouchner après l'incarcération de trois pédomanes. Une génération plus tard, cette célébration de la perversion sexuelle porte ses fruits empoisonnés. Aujourd'hui, tout est permis. Et puisqu'on a le droit de violer des enfants pour en jouir, pourquoi se priverait-on de les tuer pour ne pas en être incommodé? En Belgique, c'est l'affaire Dutroux. En France, c'est Pierre Chenal à Mourmelon, Émile Louis à Auxerre, Fourniret dans les Ardennes ou Bodin en Alsace. Dans chacune de ces affaires, de jeunes hommes, des adolescentes ou des enfants sont violés puis tués. Des photos, des films, des revues ou des dossiers médicaux désignent l'obsession pornographique comme mobile des tueurs multirécidivistes. La pédomanie frappe plus de 2 millions d'enfants en France, mais les policiers et juges ont les mains liées depuis l'affaire Dutroux, quand les victimes, les enfants violés, sont devenus des menteurs avec l'acquittement de la plupart des accusés. Au moins 53 enfants avaient été la proie d'adultes à Outreau, près de Boulogne-sur-Mer. Seuls 12 de ces martyrs ont été reconnus comme victimes et indemnisés à hauteur de 30 000 euros chacun, contre 240 000 euros en moyenne pour les 13 accusés finalement acquittés. Seuls 4 des 17 prédateurs ont été condamnés à des peines de prison, dont Myriam Badawi Delay, libérée en septembre 2010. De multiples exemples. À cause de ce déni de justice, les drames se sont multipliés en France, avec des mères désormais privées de leur enfant violé que les autorités remettent à leurs prédateurs après leur plainte. Systématiquement, la récidive est rendue possible par l'incompétence des magistrats et l'aveuglement des experts. Dans l'affaire Dutroux, les gendarmes ne s'étonnent pas, lors d'une perquisition, d'entendre des voix d'enfants et quittent les lieux sans libérer deux fillettes qui mourront de faim et de soif dans la cache souterraine aménagée par le tueur. Dans l'affaire Chenal, seul l'acharnement de l'expert Loïc Leribaud oblige la gendarmerie à arrêter le sous-officier assassin. Dans l'affaire Émile Louis, quatre magistrats multiplient des fautes de procédure qui confinent à la connivence. Dans l'affaire Delay, l'incurie du juge d'instruction débutant provoquera un gigantesque scandale judiciaire. Dans l'affaire Fourniret, seuls les aveux de la femme et complices de l'assassin relancent une enquête qui piétine depuis 20 ans. Dans l'affaire Bodin, le criminel est un multirécidiviste remis en liberté par un juge inconscient sur l'avis d'experts incompétents. Des chiffres inexistants. Un autre indice inquiétant est l'absence de chiffres sur les disparitions d'enfants. Seules quelques rares données montrent l'ampleur de la pédomanie en France. Le 20 novembre 2001, devant l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux, Marie-Lise Lebranchu, donner les chiffres du nombre d'enfants disparus en France au cours de l'année 2000. Nous avons regardé les chiffres portant non sur tous les enfants disparus, car c'était impossible, mais sur ceux qui ont fugué. Sur 34 500 mineurs ayant fugué en 2000, 33 700 ont été retrouvés. Cela signifie que 800 ne l'ont pas été. Certains ont sans doute été recueillis par des réseaux. Et rien ne permet de penser que cette année-là aurait été exceptionnelle. Le site internet decadi.com précise que le chiffre de 800 avancé par la ministre ne prend pas en compte les mineurs arrivés irrégulièrement sur le territoire national et qui disparaissent après les contrôles de police, 800 supplémentaires. On peut aussi y lire cet intéressant commentaire. La ministre confirme ce que nous avions déjà dénoncé. Il n'existe aucun chiffre de disparition de mineurs. Étrange constat pour un pays qui dispose d'importants moyens statistiques. On sait à l'unité près combien de saumons, 375, ont remonté des eaux de la Loire en l'an 2000. Mais on est incapable de savoir à une centaine près le nombre de mineurs qui disparaissent. La seule approche chiffrée est celle des fugues, c'est-à-dire de départs volontaires. Mais rien ne permet d'affirmer que les 800 mineurs volatilisés cette année-là sont des fugueurs. En fait, toutes les disparitions de mineurs sont a priori comptabilisées comme des escapades. Ce dogme permet de justifier l'absence d'enquête poussée dans la quasi-totalité des cas. Il est conseillé aux parents concernés, morts d'inquiétude, d'attendre le retour au bercail de leur enfant. C'est d'autant plus aberrant qu'en cas d'enlèvement, les premières heures sont capitales si on veut retrouver vivante la victime. Ainsi, cette mère lyonnaise que nous avons reçue au journal et à qui la police continue de répéter que son fils a fugué. Âgé de 6 ans, il a disparu à la sortie de l'école. Mais c'était il y a 26 ans. Dans de rares cas, le parquet lance de vastes recherches alors que le phénomène se révèle massif. On peut s'étonner également que la ministre puisse utiliser le verbe recueillir à propos des enfants réduits en esclavage par des réseaux. Mais c'est la première fois que ces réseaux pédocriminels sont dénoncés par la chancellerie, alors que de nombreux parquets, à Paris notamment, continuent à agir comme s'ils n'existaient pas. Des réseaux inattaquables. En effet, les médias, les lobbies, les loges, les clans corporatistes semblent avoir pour préoccupation de convaincre le public qu'il n'existe pas de réseau de pédomanie en Europe. Donc, petite parenthèse, c'est aussi ça qui est considéré comme du complotisme maintenant. Quand on écoute par exemple Tristan Mendès France, on est quand même à deux doigts de comprendre de ce monsieur que les complotistes sont obsédés par les réseaux pédophiles, etc. Il sous-entend que, dans le fond, ce serait une vision de l'esprit. Enfin, c'est grave quand même. Chaque affaire est l'occasion de renforcer cette contre-vérité flagrante. En Belgique, le juge Conroth est dessaisi dès qu'il évoque la piste du réseau dans l'affaire Dutroux. À Outreau, le juge Burgot, traqué par les médias, s'empresse d'assurer qu'il a abandonné immédiatement la piste du réseau. À Nancy, après une rafle de 10 pédomanes, le procureur de Nancy ose affirmer: il n'y a pas de réseau structuré en Lorraine. Nous n'avons que des amateurs. Tous les pouvoirs se coalisent pour censurer la moindre allusion à des réseaux dont pourtant les faits démontrent la réalité. Dans l'affaire Duguay, le carnet d'un inculpé qui vend les photographies et films pornographiques produits par l'employé de la mairie de Saint-Ouen indique parmi les noms des clients Christian Ranucci, assassin de la petite Dolores Rambla. Dans l'affaire du pasteur Stanford, criminel pédomane, la justice française refuse toute collaboration avec la police britannique, alors que ce tueur a des contacts à Nanterre, Nice, Saint-Quentin, Lyon, Strasbourg et Paris. Dans l'affaire du CD-ROM, aux milliers de photos d'enfants, dont plusieurs ont été retrouvés assassinés, la justice refuse de communiquer le dossier aux parents de disparus et clôt l'enquête après l'assassinat de l'auteur de ce CD-ROM. Géry Ulrich, qui pourtant avait des contacts à Garches, Dijon, Champigny-sur-Marne, Tours, Granville, La Ciotat et Paris. Des magistrats coupables. Comment s'étonner de ces dossiers classés sans suite et bâclés lorsqu'on mesure la complicité de la magistrature dans ces affaires de pédomanie? Dans l'affaire Kamal, des magistrats sont accusés par trois petites victimes. À Cachan, un magistrat à la retraite, ancien président de chambre à la cour d'appel de Paris, est arrêté dans les toilettes de la piscine où il avait suivi un garçon de 13 ans. À Versailles, le substitut général à la cour d'appel est interpellé pour détention d'images pédomanes. À Nice, le procureur Montgolfier est attaqué avec une violence inouïe par un clan de magistrats maçons réputés grands amateurs de chair fraîche. Lors d'une récente opération lancée contre un réseau de producteurs et d'amateurs de pornographie pédomanes, la liste des 500 clients identifiés faisait apparaître les noms de plus de 50 magistrats. Pas un seul ne fut inscrit au nombre des prévenus. Un gouvernement sain devant une telle accumulation de scandales entreprendrait une réforme radicale de l'appareil judiciaire. En France, personne n'y songe. Personne n'ose affronter la formidable coalition politique, judiciaire et médiatique des ordures. Serge de Bekech. La puissance du lobby pornographique en France. Le milieu de la pornographie constitue une famille, au sens mafieux du terme. C'est au même titre que la prostitution une branche de la formidable nébuleuse qui gravite autour du sexe et de la drogue, et dont les produits gigantesques, 1 milliard d'euros par an pour le seul commerce des cassettes pornographiques légales, au moins autant pour les productions illégales, financent les réseaux d'extrême gauche en France. Au centre de cette toile d'araignée, une famille de juifs tunisiens, les Sidbon. Guy, le père, Lydia Dara Sidbon, la mère, et Michel, le fils. Le premier journaliste, septuagénaire, est une des vedettes du Nouvel Observateur. Il est en outre actionnaire du Monde. Sa femme, ex-directrice du club de l'événement du jeudi, est devenue responsable de la promotion de Marianne. Quant à leur fils Michel, 45 ans, il est un des principaux éditeurs pornographiques français. Il a fait fortune avec le Minitel Rose, dont il possédait plus de 100 services, employant des dizaines de pauvres filles chargées d'appâter le gogo et de le garder en ligne le plus longtemps possible, en tenant plusieurs conversations cochonnes simultanément. Sidbon est maintenant PDG d'une nébuleuse de sociétés bizarrement imbriquées, Société des nouvelles publications, Société des publications nouvelles, Société nouvelle de publications, Nouvelle société de publications, etc., dont son père est administrateur. Ces sociétés publient d'innombrables revues pornographiques, Femmes libérées, Démonia, Vanda, Lettres gays et 10 autres revues, basées sur un concept génial, faire rédiger les saletés par les détraqués eux-mêmes. À ses débuts, Sidbon accumula les millions en se bornant à faire imprimer des milliers de témoignages spontanés, d'une crudité abjecte et souvent illustrée, qu'il recevait par la poste. Une bagnarde de la machine à écrire dactylographie à longueur de journée ses cochonneries soigneusement archivées. La subversion politique. Mais ce Sidbon n'est pas seulement l'empereur français du porno business. Il est aussi éditeur engagé, propriétaire des éditions Lézard, Dagorno, L'Esprit Frappeur et Mister Fantasy, qui sont toutes marquées par un fort penchant pour l'extrême gauche. Comme tel, il est le principal animateur et bailleur de fonds d'un redoutable réseau politique en France. Sidbon consacre en effet une partie de l'argent du sexe à financer des entreprises de subversion auxquelles participent des journalistes, des politiciens, mais aussi des magistrats et des policiers. Pendant des années, il a assuré le financement d'un mensuel trotskiste, Maintenant, dont le rédacteur en chef était Thierry Messant, militant homosexuel d'extrême gauche, plus connu aujourd'hui comme l'auteur de l'effroyable imposture concernant les manipulations autour du 11 septembre 2001. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, ça je savais pas du tout que Thierry Messant était homosexuel. Aujourd'hui, il devient une espèce de cible parce que appelé complotiste par tous les abrutis. Mais ça m'étonne que le fait qu'il fasse partie peut-être du lobby homosexuel, que ça ne le protège pas. Ça pourrait être un indice que la vraie justice commence à fonctionner. Enfin, je sais pas trop. Messant est un ancien élève des jésuites de Tivoli à Bordeaux. Devenu membre du renouveau charismatique, il fut montré en extase à la une de la vie. Quelque temps plus tard, quittant femme et enfant pour un danseur, il faisait son coming out et fondait le réseau Ornicard, regroupant associations homosexuelles et militants pour la dépénalisation de la pédomanie. Messant fonda par la suite le fameux réseau Voltaire avec l'argent de Sidbon. La première action de ce réseau fut une mobilisation pour l'abrogation de l'article L227-24 du nouveau code pénal, dit amendement Jolibois, qui mettait en danger la survie financière du porno business en condamnant le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, par quelque moyen que ce soit, un message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Avec le soutien du lobby trotskiste dans les milieux de la presse, de l'édition, du théâtre et du cinéma, le réseau Voltaire parvint à vider l'article 227-24 de sa substance. On reconnaît dans cette opération la tactique Sidbon, financer avec l'argent du sexe des associations qui, constituées en lobby, feront pression sur les politiques pour abattre les ultimes barrières en matière de perversion publique et permettre ainsi de ramasser plus d'argent en accroissant le nombre de clients potentiels. Alors, petite parenthèse. C'est vrai que ça me déçoit beaucoup que des gens qui aient pu écrire des vérités sur les tractations du 11 septembre puissent faire partie de ces réseaux-là. C'est vrai que c'est décevant parce qu'en plus, ça salit l'image de ceux qu'on appelle les complotistes. Enfin... La promotion de la drogue. Michel Sidbon ne se contente pas de s'enrichir sur le dos de la perversion sexuelle, il est aussi un acteur majeur en France dans la lutte pour la dépénalisation du cannabis. En effet, il fut entre autres le trésorier du CIRC, collection d'informations et de recherches cannabiques, fondée par Jean-Pierre Galland, un des collaborateurs de son magazine Maintenant. À l'époque, France Télécom dénonça le 3615 CIRC, service de Minitel qui finançait la promotion des drogues par les mêmes méthodes que le réseau pornographique de sites bons. La police perquisitionna dans les locaux, recueillant assez de preuves pour faire condamner Galland à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 francs d'amende. Ce dernier fut de nouveau condamné pour les mêmes motifs en 1995, 96, 97, 98 et 99, et s'illustra par la fameuse opération Chanvre à l'Assemblée, en envoyant à chaque député une cigarette de cannabis et une lettre ouverte exigeant que soit retiré aux policiers, juges, douaniers le droit de s'immiscer dans l'intimité de chacun. En 2001, Galland était condamné pour la 8e fois, 90 000 francs d'amende. La source financière de Cidbon étant tarie, il abandonna le combat. Il faut savoir que le marché de la pornographie fonctionne selon les mêmes modes que celui de la drogue. Les neuropsychiatres constatent que la courbe d'addiction au porno suit exactement celle de l'addiction aux neurotoxiques. Il faut aux consommateurs des doses de plus en plus fortes de produits de plus en plus puissants pour passer la barrière psychologique de l'accoutumance. Ainsi, de même que le toxicomane passe du haschich à l'héroïne puis au crack, le pornomane passe du soft au hard puis aux diverses spécialités, sado, zoo, scato, etc. Ainsi, ne doit-on pas s'étonner que les mêmes méthodes soient utilisées par le gang Cidbon pour banaliser la pornographie relativement soft à la télé et légaliser le cannabis, drogue déclarée douce. De même que le jeune consommateur accro au cannabis deviendra vite un client pour des produits plus forts et donc plus chers, de même le spectateur de porno à la télé cherchera auprès des magasins spécialisés des émotions plus fortes et plus coûteuses vendues sous le comptoir. Des condamnations à répétition. Mais le génie de Cidbon va plus loin encore. Comme on l'a dit, il est aussi à la tête de maisons d'édition banales, c'est-à-dire ne publiant pas de pornographie. C'est sous ses couvertures qu'il édite les ouvrages du syndicat de la magistrature, fameux syndicat de juges trotskistes, par exemple Vos papiers, que faire face à la police, de Clément Schuller, gros bonnet du syndicat de la magistrature, aujourd'hui procureur à Versailles. Autre exemple, La machine à punir de Gilles Sanetti, vice-président du même syndicat. Cette collaboration avec les juges rouges n'a pourtant pas empêché Cide Bonfils de collectionner les condamnations pour outrage aux bonnes mœurs, provocation à l'usage de stupéfiants ou diffusion d'images de mineurs à caractère pornographique. C'est d'ailleurs l'usage dans ce milieu, et jusqu'à présent, le Padrino Cide Bon s'en tire plutôt bien comparé à certains autres capis. Quelques exemples. En février 2001, un prostitué homosexuel belge, Robert Yann, avoue à la police des Pays-Bas 3 meurtres d'enfants assassinés lors de tournages de Snuff Movies. Film porno montrant des assassinats non simulés. Il dénonce le monstrueux tueur en série belge, Marc Dutroux, ravisseur et assassin d'enfants qu'il décrit non comme un pervers solitaire, mais comme un des caïds du porno protégé par les services spéciaux. Dutroux fournissait des sujets pour des snuff movies, montrant par exemple la lente agonie de petites filles qu'il séquestrait et torturait avant de les laisser mourir de faim et de soif. Quelle horreur. À l'appui de ces dires, le prostitué indique que certaines prises de vue étaient réalisées à une adresse à Amsterdam, adresse qui se révèle être celle de 2 sociétés de production de films pornographiques appartenant à Didier Pellerin. Selon les aveux d'un complice de Dutroux arrêté plus tard, les vidéos sadomaso de ce monstre étaient tellement immondes que le caméraman lui-même était pris de vomissements. Condamné à 3 ans de prison pour association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et pornographie, Pellerin dénonce alors un gros caïd de la mafia porno, Daniel Messinger. Celui-ci est producteur de films porno sur la Côte d'Azur. En 1994, inculpé de séquestration et de proxénétisme après la disparition de 2 jeunes filles, et mis en cause dans la mort d'une jeune antiboise de 19 ans au cours d'un rituel satanique, il est emprisonné puis libéré, en dépit des charges accablantes qui pèsent sur lui. La police a saisi son journal intime où il raconte ses relations avec des enfants importés d'Asie et des pays de l'Est. Il disparaît. Les magistrats qui l'ont fait remettre en liberté n'ont pas été inquiétés. On est d'ailleurs stupéfait de constater l'indifférence des pouvoirs publics face à ce scandale. Elle confine à la complicité. Ainsi, la police néerlandaise a-t-elle remis en liberté Robert Yann après ses aveux? Ainsi encore, Dutroux a-t-il pu s'évader et n'a été repris que par accident? En France, la seule action contre les horreurs de la pédomanie est depuis 2003 un lâcher de ballons annuel organisé par une association à l'occasion de la Journée mondiale des enfants disparus. Un lâcher de ballons. Voilà qui est bien peu comparé à l'indignation qu'évoquent tous ces scandales chez le citoyen lambda. Mais les hautes sphères du pouvoir ne semblent pas considérer que tout cela soit si grave. Sous le couvert de la religion. Depuis la déferlante médiatique pointant du doigt les scandales de certains religieux catholiques, on oublie souvent les 2 autres grandes religions abrahamiques que sont le judaïsme et l'islam. Les affaires de curés pédomanes noircissent les pages de journaux quasi quotidiennement. Par contre, parle-t-on de juifs et de musulmans pédomanes? Aujourd'hui, c'est une affaire criminelle de grande ampleur qui secoue la communauté juive orthodoxe de Brooklyn. On pourra s'étonner de la très grande discrétion des médias, notamment français, sur cette affaire criminelle de grande envergure. En effet, la police new-yorkaise enquête sur des abus sexuels subis par pas moins de 117 enfants. 85 personnes ont déjà été arrêtées pour répondre de graves faits de pédomanie. 14 accusés ont reçu des condamnations allant de 10 à 20 ans d'emprisonnement pour des crimes tels que sévices sexuels, tentatives d'enlèvement et sodomie. À l'heure actuelle, l'enquête, débutée il y a 3 ans et nommée Kol Tzedek, voie de la justice en hébreu, se poursuit mais dans des conditions très difficiles. Les nombreuses victimes ayant les plus grandes difficultés à se faire entendre et connaître au sein d'une communauté très fermée et soudée qui refuse généralement de collaborer avec l'extérieur. L'association américaine Catholic League, Ligue catholique, dénonce les rabbins via un reportage publié dans le New York Times. Le public ignore généralement que les juifs orthodoxes impliqués dans des affaires de viol d'enfants, et ils sont nombreux, sont jugés par des tribunaux rabbiniques. L'an dernier, 40 mineurs au sein de cette petite communauté juive de Brooklyn ont déclaré avoir été maltraités. Baruch Mordecai Lebovitz, 59 ans, rabbin de New York, a été condamné à 32 ans de prison pour avoir agressé sexuellement un adolescent, a annoncé le parquet de Brooklyn dans un communiqué. Il a été reconnu coupable le 8 mars dernier d'agressions sexuelles répétées à 8 reprises en 2004 et 2005 à l'encontre d'un garçon de 16 ans, précise le procureur Charles Hines. Le rabbin est un homme d'affaires éminent dans la communauté de Borough Park où vit l'adolescent, poursuit le communiqué. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, en quoi cette communauté a droit à avoir des tribunaux religieux, c'est-à-dire qui se placent au-dessus de celles des tribunaux de la République ou de l'État fédéral? C'est quand même étrange. Je continue. Le plaignant, Yoav Schoenberg, âgé aujourd'hui de 22 ans, est un juif orthodoxe, ami du fils du rabbin Lebovitz. Il a témoigné d'une voix si basse que la juge Patricia Dimango lui a demandé à plusieurs reprises de répéter ce qu'il disait. Que dit la loi religieuse? Beaucoup seront surpris d'apprendre que la pédomanie est une pratique inscrite dans la loi juive et musulmane. En cela, les crimes commis par les membres de ces religions, s'ils vont à l'encontre des mœurs civiles, ne vont pas à l'encontre des lois religieuses. C'est une précision qu'il importe d'importer car la religion catholique, elle, ne soutient pas légalement ce type de pratique. Pour ce qui concerne la loi juive, il suffit de consulter le Talmud babylonien. Ce livre, recueil de la tradition des anciens, est composé des innombrables commentaires de rabbins concernant la loi. En 1935, pour la première fois de l'histoire, les 63 volumes du Talmud furent traduits chez Soncino Press afin de permettre aux nouvelles générations, incapables de comprendre les différentes langues utilisées dans la version originale, d'avoir enfin accès au texte. Précisons que le Talmud fait office de code juridique sur lequel se base la loi religieuse juive et qu'il est le livre utilisé pour la formation des rabbins. Voyons cela de plus près. Dans le traité Sanhédrin 55b-55a, je cite, la pédérastie avec un enfant qui a moins de 9 ans n'est pas à considérer comme la pédérastie avec un enfant plus âgé. Samuel a dit, la pédérastie avec un enfant qui a moins de 3 ans n'est pas à considérer de la même manière que la pédérastie avec un enfant plus âgé. Dans tout crime d'inceste commis par l'enfant, le sujet adulte passif n'encourt aucune culpabilité, à moins bien sûr que l'enfant ait atteint l'âge de 9 ans et un jour. C'est pourquoi cette baraïta a retenu l'affirmation de Rab selon laquelle le sujet adulte est condamnable quand le sujet passif a plus de 9 ans et un jour. Sanhédrin 55b. Une petite fille de 3 ans et un jour peut être acquise en mariage par coït, ou en cas de mort de son mari, et si elle a un rapport sexuel avec le frère de son mari, elle devient à lui. Une telle fille est considérée comme femme mariée, on peut se rendre coupable d'adultère à travers elle, car elle peut souiller l'homme qui a des rapports sexuels avec elle, et celui-ci pourrait à son tour souiller ce sur quoi il se couche, comme un vêtement qu'on se passe. Cas de blénorragie. Sanhédrin 69b. Le rapport sexuel que fait un garçon de 9 ans et un jour est un vrai rapport sexuel, tandis que celui fait par un garçon de moins de 8 ans ne l'est pas. Le lecteur conviendra que le langage est torturé, ce qui est le propre du Talmud, mais la pratique de la pédomanie est néanmoins autorisée en des termes très explicites. Chez les musulmans, la loi musulmane, la charia, fournit des autorisations similaires. En 2008, le cheikh Mohamed Al-Magraoui a publié un avis religieux selon lequel un homme pouvait avoir des rapports sexuels avec une fille de 9 ans. Selon le théologien marocain, Le prophète Mahomet a montré l'exemple puisque sa troisième épouse, Aïcha, avait 6 ans lorsqu'il l'a mariée et 9 ans lorsqu'il eut des rapports sexuels avec elle. En 2010, un événement s'est déroulé à Gaza lors duquel le Hamas a parrainé le mariage de 450 couples. La majorité des fiancés étaient âgés de 25 à 30 ans, alors que les petites fiancées avaient en majorité moins de 12 ans. Depuis 2011, une fatwa légitime également en Arabie Saoudite le mariage avec des enfants, autant dire la pédomanie. À l'origine de cette mesure religieuse, le docteur Sali bin Fawzan, membre du prestigieux Conseil islamique d'Arabie Saoudite, la fatwa qu'il a fait publier affirme qu'il n'y a pas d'âge minimum pour le mariage et que les filles peuvent être mariées même si elles sont dans le berceau. Alors, petite parenthèse, je commence à comprendre pourquoi leur ennemi commun à ces gens-là, c'est la religion catholique. Et je commence à comprendre aussi pourquoi il y a tant de Français d'origine juive qui vont s'établir au Maroc. On pense à Jacques Lang, Dominique Strauss-Kahn et d'autres. Mais parce qu'ils ont les mêmes lois religieuses, entre guillemets. Paradoxalement. Depuis 2011, une fatwa légitime également en Arabie Saoudite. La France, avec son importante population maghrébine, n'est bien sûr pas épargnée. En 2006, un certain Ahmed Souti, âgé de 56 ans, président de l'AMH, Association musulmane de Hyères, a été placé en détention pour abus sexuels sur une mineure de 9 ans. Son père a porté plainte après que des pédiatres hospitaliers aient détecté le problème. Selon le témoignage de la victime, Ahmed Souti se serait livré à des baisers, des caresses et des attouchements lors de cours coraniques dispensés dans la mosquée de Val-des-Rougières. Entendu par les policiers, il a reconnu les faits. D'après le journal local Var Matin, le père de la fillette a reçu des pressions des proches du prévenu et de son association, l'AMH, qui gère les trois mosquées de la ville. Ces menaces inquiètent la police et la justice, qui s'interrogent sur la possibilité d'autres victimes dont les familles n'auraient pas osé se plaindre. Les viols de fillettes et de garçons par les maîtres coraniques, fqis, seraient courants au Maghreb. Les familles évitent de porter plainte par peur des représailles. Certains acceptent même ce rite d'initiation, car on leur dit que l'acte sexuel fait passer la bénédiction d'Allah dans le corps des enfants. Je voulais être mannequin. Témoignage d'une esclave sexuelle des réseaux pédophiles. C'est en 2011 que commence à circuler un nouveau témoignage de réseau mafieux pédophile, semblant impliquer des rabbins, des loges maçonniques ainsi que des chevaliers de l'ordre de Malte. Par peur d'atteinte à leur vie, le témoin et son porte-parole veulent garder leur identité secrète, ne laissant pas d'autre choix que de juger du témoignage par son contenu, sa cohérence et la pertinence de ses détails. Nous avons cependant été obligés de couper une grande partie des détails les plus choquants. Nous avons même hésité à publier le texte. Cependant, le succès international du film Taken de Luc Besson, qui met précisément en scène le kidnapping à Paris d'une jeune fille ensuite prostituée dans le réseau mafieux, nous fait penser que de toute façon, les gens ont été vaccinés quant à ce type d'horreur, ce qui était sans doute le but de ce film. Mais la réalité est plus dure que la fiction. Selon l'auteur, le témoignage a été obtenu par un long travail en face à face et par téléphone. Cependant, des zones d'ombre laissent des doutes sur les circonstances de l'enlèvement. Les proches du témoin semblent vouloir la protéger et se protéger eux-mêmes d'éventuelles représailles ou de procédures judiciaires. Du fait d'autres comportements étranges, l'auteur soupçonne une complicité, forcée, de leur part, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Son hypothèse est qu'il n'y a jamais eu d'enlèvement et que le témoin a été, et peut-être encore, régulièrement livré à cette mafia. Aujourd'hui, le mutisme du témoin ne permet plus de faire avancer l'enquête. Je m'appelle Émilie Roche, j'ai 20 ans et je viens d'une famille difficile. Je témoigne afin de tenter de sauver des milliers de jeunes filles et d'enfants kidnappés, séquestrés, drogués, violés, prostituées, torturées et souvent assassinées. Je voulais juste m'en sortir et aider ma famille dans ses difficultés financières. Mais aujourd'hui, j'ai honte. J'ai été si humiliée et naïve et j'ai tant souffert. Je pleure à chaque fois que je me rappelle ce cauchemar réel. J'ai tenté plusieurs fois de me suicider. Mon inconscient a voulu que je sois amnésique, que j'oublie tout. Mais mes souvenirs reviennent petit à petit dans le désordre par petits flashs de rêves plus ou moins éveillés. Les moindres détails me reviennent. À 13 ans, j'avais fait croire à mes parents que je séjournais chez des amis alors que je me promenais seul à Pigalle, Paris, avec mes bagages. Les prédateurs savent repérer les proies faciles, les jeunes filles paumées. C'est alors qu'un homme souriant m'aborde. Il a un gros appareil photo autour du cou. Il se présente comme un photographe de mode, il me trouve jolie, veut faire des photos avec moi et me présenter à une grande agence de mannequins. Élite modèle. J'en ai toujours rêvé et j'y crois. Il m'emmène dans un studio photo et me sert un soda. On commence une séance photo. Il me parle beaucoup, me dit que je suis belle et que je vais devenir une star. Progressivement, les photos sont de plus en plus osées, sexy, vulgaires, obscènes. Puis il me dit, on va au défilé. Il m'emmène vers une porte, je le suis naïvement un peu étonné, et là il me pousse soudain dans une camionnette aux vitres aveugles. Kidnapping. Dans la camionnette, il y avait d'autres filles. On nous emmène je ne sais où. J'appelle avec mon téléphone portable, mais il est déjà trop tard. Ils nous retirent nos téléphones. On nous emmène dans un très chic et ancien immeuble parisien. On nous demande nos papiers pour ne pas se faire contrôler par la police. Je ne les ai pas. On me demande mon nom et mon prénom. Je donne alors le nom et le prénom de ma grand-mère, Marie Pinson. Ce geste me sauvera la vie. Nous sommes prisonnières. Il n'y a pas de fenêtre dans l'appartement. Nous dormions toutes enfermées dans une grande pièce sur de vieux canapés luxueux. On nous présente les chefs, Freddy, Marco, mais ce sont des pseudonymes. Je me rappelle certains de leurs noms réels aux consonances étranges, une sorte d'arabe. Il faut leur obéir parce que ce sont des hommes durs qui ne plaisantent pas. Les voisins ne nous étaient d'aucun secours, puisqu'ils venaient nous voir captives et étaient donc de mèche avec nos ravisseurs. Il y avait parmi nous trois Françaises de Paris, trois Russes, deux Ukrainiennes, deux Moldaves, une Roumaine et une Géorgienne. On nous avait donné à chacune un pseudonyme et ils nous interdisaient de communiquer entre nous nos vraies identités. Les filles d'Europe de l'Est devaient toutes dire qu'elles étaient russes. On me faisait passer pour une métissée chinoise. Par la suite, on nous changeait tout le temps de pseudonyme pour nous faire perdre nos repères. Mon absence au collège fut à peine remarquée, étant depuis longtemps habitué à l'école buissonnière. Je menaçais les chefs que ma mère allait tout faire pour me retrouver. Il n'en fut rien. Pas une seule fois, elle n'appela sur mon téléphone portable que les chefs avaient confisqué. En 8 mois, je n'ai eu droit qu'à 2 appels à ma famille. Sous la contrainte des chefs, je leur donne les coordonnées factices de la prétendue agence qui n'existe pas. Ma mère, qui d'ordinaire se soucie peu de moi, ne se soucie donc là de rien. Dès lors, on nous fait boire beaucoup d'alcool et on nous drogue. Tout le long de mon cauchemar, on me droguera sans cesse. Dès que je commence à reprendre mes esprits, quelqu'un vient me piquer. D'abord au bras, mais il ne faut pas en abuser pour ne pas faire de cicatrices et rester belle. Puis on me pique à l'intérieur de la cheville, puis l'intérieur de la cuisse, puis entre les fesses. Au début, on nous piquait de force, mais par la suite, c'est nous qui réclamions notre dose parce qu'on était accro et parce qu'on voulait fuir, oublier ce cauchemar. On ne savait pas bien se piquer toute seule. On se piquait à côté de la veine. Ça nous faisait des grosses boules disgracieuses. Parfois, ils nous donnaient aussi une drogue excitante pour avoir un comportement dynamique quand nous étions sortis. On nous faisait aussi prendre de la cocaïne. Alors, petite parenthèse, c'est probablement quand même le modus operandi dans les films pornographiques. Comment réussir à créer un tel enthousiasme parfois, alors que il faut pas oublier que ces gens-là sont forcés la plupart du temps, quoi. Il y avait une vidéo là-dessus. En fait, le grand paradoxe, c'est que quand les gens regardent la pornographie, ils croient que les gens sont consentants et d'ailleurs ils prennent du plaisir puisqu'ils voient ce plaisir. Mais il faut pas oublier que ces gens-là sont probablement drogués. Fin de la parenthèse. Les paroles des chefs sont hypnotiques. Leurs mots inondent notre esprit. Leurs phrases nous retournent le cerveau. Sous leur contrôle, ils se mettent à nous prostituer, mais pas entièrement pour moi, parce qu'ils voulaient préserver ma virginité. Les clients venaient à l'appartement et parfois on nous faisait travailler dans un bar très spécial à Pigalle qui cache des cabines pour les passes. Changement de maison. On a dû nous garder 2 semaines à Paris. Par un long trajet en camionnette, on nous emmène ensuite dans une très grande maison en pleine campagne. J'apprendrai par la suite qu'on est en Allemagne. Au moment où je descends dans une grande cour, on m'enveloppe dans une sorte de grande cape noire à capuche qui me couvre de la tête aux pieds. On nous emmène dans une grande salle qui s'avérera par la suite être la salle principale de cérémonie. Il y avait plein de gens, que des hommes, avec des bols en tissu noir sur la tête. On nous retira les capes pour nous exhiber. L'assemblée se mit à entonner une grande prière très étrange comme un chant. Cela ressemblait un peu à la prière musulmane. Ils se mettaient à genoux, puis se levaient et répétaient et faisaient des gestes étranges. Avec leurs paroles incompréhensibles et leurs mains, ils semblaient implorer quelqu'un. Par la suite, les filles devaient souvent assister en silence aux prières. On était alors habillés d'une robe sombre et les cheveux cachés par un petit foulard sombre. Alors, petite parenthèse, en Allemagne, il y a beaucoup de sectes, hein, dont entre autres l'Ordo Templi Orientis, qui est très présent là-bas. Je sais pas. Il s'agit peut-être de sectes similaires, là, dont on parle. La plupart des salles qui nous étaient accessibles n'avaient pas de fenêtres. Nous voyions rarement la lumière du jour. Nous dormions dans une pièce centrale aménagée de lits. Tous nos mouvements étaient surveillés. Même pour aller aux toilettes ou à la douche, nous étions accompagnés par un gardien. La nourriture était médiocre. À un moment, je me souviens être enveloppé d'une grande cape noire. Je ne vois rien. D'un seul coup, on me la retire. Je suis à moitié nu, en culotte sur une estrade, debout, avec les autres filles. Devant nous, des hommes. Les mains se lèvent, on nous vend aux enchères. Je suis la plus jeune, je suis vierge, je coûte cher. On me couvre de bijoux et de diamants, en réalité du toc. On vend ma virginité à plusieurs hommes pour 5 000 euros la nuit. On doit s'habiller et se maquiller comme des putes, lingerie, robe moulante, latex. Toujours en rouge, je refuse. Je reçois immédiatement un coup de poing dans la lèvre. Je saigne, elle est ouverte. On m'attache un collier de chien autour du cou, puis on me traîne au sol. Mes genoux saignent, j'en garde encore des cicatrices. Puis ils me violent collectivement pour m'apprendre le métier. Je tourne de l'œil. Un homme m'attrape par-dessous la mâchoire et m'oblige à le regarder dans les yeux. Regarde-moi, me hurle-t-il. On me surmaquille pour cacher ma plaie. Je dois rester belle pour plaire. À un autre moment, nous nous retrouvons dans un bar à cabine secrète en Allemagne, à Kehl, en face de Strasbourg. Je suis encore debout, à moitié nu, en rang à côté de mes compagnes d'infortune. Les clients sont face à nous. Ce sont des hommes très riches. Il y a parmi eux des policiers qui font semblant d'inspecter la légalité des pratiques. Ils nous choisissent et nous emmènent dans des petites salles obscures. Je dois leur obéir, les toucher, me laisser faire, mais je préfère oublier dans la drogue. Nuit après nuit, je me réveille dans les bras d'hommes inconnus. À peine réveillé, quelqu'un vient immédiatement me piquer. Des fois, je vais chercher une collègue dans une chambre avec son client pour les prévenir que l'heure est terminée. Quand les chefs étaient sûrs que nous leur appartenions, que nous reviendrions, ils nous laissaient partir plusieurs nuits avec des clients. Ainsi, ils nous envoyaient un peu partout pour tenir compagnie à de vieux messieurs très riches. Maltraitance des gardiens. Dans certaines salles, il y a du matériel de torture. On nous attache, on nous viole, on nous frappe, on nous fouette, on nous mord. Plus on était jeune, moins c'était sexuel, mais plus on était maltraité. Les chefs avaient souvent de gros couteaux. Ils s'amusaient à nous faire saigner pour jouer avec notre sang et lécher nos plaies, en nous entaillant superficiellement pour ne pas nous abîmer pour les clients. Un jour, un chef me menaçait de son couteau. J'ai alors saisi la lame directement avec ma main. Il la retira d'un coup et elle m'entailla profondément. Il rigolait et me mettait du sel et du citron pour me faire encore plus mal. Ils m'ont cousu la plaie pour la refermer. Plusieurs fois, les chefs m'emmenèrent dans une salle pour prendre de mon sang. La pièce était très sombre, je ne vois presque rien. On me tend le bras. Je sens une lame m'inciser profondément l'avant-bras. J'étais très mal, mais je n'ai pas le droit de pleurer ni de crier. Mon sang coule dans un récipient en dessous. Il y en a partout. Quand le flot commence à se tarir, les chefs savent où presser à l'intérieur de mon bras et sur mon corps pour le refaire jaillir. Ils pressaient fort jusqu'à m'en faire mal. Puis ils me sucent le sang à même la plaie. Ensuite, on me donne un chiffon que je dois presser sur la coupure. Ma tête tourne. Quand je le rends, celui-ci est baigné de sang. La première fois, la plaie fut plus profonde que les deux suivantes. Parfois, quand je me rebellais trop ou que j'étais trop abîmé par les coups pour travailler, ils m'enfermaient dans une pièce pendant 2 semaines. J'étais nourri seulement de pain et d'eau et ils venaient me battre encore. Une autre fois, quand une fille refusa une relation sexuelle, ils lui fracassèrent la tête contre une vitre qui vola en éclats. Elle était encore debout et ils l'emmenèrent. Je ne l'ai plus jamais revue. Quand nous étions trop abîmés par la drogue et les coups, que les clients ne voulaient plus de nous, il fallait continuer à rapporter de l'argent. Alors, nous arrêtions temporairement les passes. Les chefs se faisaient passer pour une association caritative de nos jeunes drogués dépressifs et nous étions chargés de collecter des dons. Ils nous lacéraient les avant-bras pour que nous soyons plus crédibles. Quand nous ne rapportions pas assez d'argent, les chefs nous frappaient. Un jour, je me suis rebellé, j'ai mal répondu à un chef. Il m'envoie une assiette dans la figure. D'autres se rebellent. Ils nous menacent de nous tuer. Au début, on n'y croyait pas. Mais les filles les plus rebelles disparaissaient une par une. On ne les a jamais revues. Un jour, l'une d'entre nous s'enfuit. C'était la plus âgée et la plus ancienne, 26 ans. C'est ainsi qu'ils l'ont retrouvée. Un jour, un bel homme l'aborda dans la rue. Tu t'appelles Juliette Dupont? Dès lors qu'elle répondit oui, plus personne ne la revit. Entre deux shoots, je l'ai revue au siège à Paris. Les yeux mi-clos, embrumés de cauchemars et d'oubli, je les vois la faire rentrer dans une salle qui nous est interdite. Peu après, ils la sortent en la tenant par les pieds et les mains, elle est en sang, la tête ballante, le souffle inerte. Les filles qui disparaissaient étaient aussitôt remplacées par de nouvelles recrues. Description des chefs. Voici la version. La description détaillée des nombreux chefs. Ils venaient avec leurs fils. Ils parlent entre eux une langue que je ne connais pas, mais que je reconnaîtrais. Ils se disaient souvent « Salom »,« Kalouche » ou « Kalouf » et « Chiksa ». Les jours de fêtes religieuses, ils portaient une sorte de petit chapeau rond, un petit bol en tissu noir sur le sommet arrière du crâne, attaché aux cheveux avec des épingles. Dessus, il y avait des écritures étranges, argentées ou dorées. Les vieux étaient barbus et certains portaient une grande robe sombre par-dessus une chemise blanche. D'autres portaient un costume noir et un grand chapeau noir. Je pourrais encore reconnaître des visages. Ils sont tous circoncis. Ils avaient tous autour du poignet une ficelle rouge, et nous aussi. Certains portaient autour du cou un genre de croix avec une boucle dessus, d'autres gardaient tout le temps leurs lunettes de soleil. Pas mal de chefs avaient une bague en or, avec dessus une rose rouge dessinée, et quelques clients portaient une bague avec une croix bizarre dessus. Ils sont souvent tatoués, poignets, cou au mollet d'un symbole ou d'une lettre, une sorte de T avec deux pattes. Ils le cachent souvent avec un pansement, un vêtement ou un tissu. Certaines filles, les plus anciennes, avaient sur elles le même symbole tatoué mais un peu différent. Il y avait donc deux versions de ce symbole, un pour les chefs, très horizontal droit, et un pour les filles, très horizontal arrondi. Ils voulaient toutes nous tatouer pour qu'on soit de la famille. Celles qui refusaient portaient alors un collier en or, toujours avec la même lettre. Je me suis débarrassé du mien lors de ma fuite. Les filles les plus anciennes avaient aussi des roses rouges tatouées. Donc là, petite parenthèse, ça nous explique bien que ces filles-là sont tatouées contre leur gré. Tatouage qu'on retrouve d'ailleurs, qu'on peut voir dans les films pornographiques. Donc ces filles-là, elles se font pas faire les tatouages elles-mêmes, hein. On leur fait. Et un jour, je ferai un dossier sur tous les symboles qu'on peut retrouver, symboles occultes qu'on peut retrouver dans leurs tatouages. Un des clients habituels avait aussi autour du cou un pendentif en forme de triangle avec dedans un œil, stylisé de deux simples traits courbes. En Allemagne, dans leur grande maison de campagne, ils avaient des salles de conférence. Tous étaient assis devant un oratoire et tous portaient le bol en tissu noir sur la tête. Il n'y avait pas de femme. Par terre, il y avait une grande étoile, complexe en relief, en mosaïque de couleurs, une étoile à six branches dans des cercles et des étoiles plus grandes, concentriques, avec plein de ronds et d'écritures étranges. Et sur les murs, des tapisseries en velours rouge, en forme de fenêtres arrondies vers le haut, avec des écritures liées, dorées et inconnues. Dans une des salles de conférence, cette tapisserie était juste derrière l'orateur. Il y avait un gros livre, et lorsque le maître de cérémonie criait certaines phrases, toute l'assemblée répétait en chœur en levant le poing. L'orateur parlait encore dans cette langue inconnue. Il y avait derrière lui une étoile à six branches, dans un cercle. Rituel. Les maîtres de cérémonie étaient souvent barbus et portaient le plus souvent un costume noir et un large chapeau noir. Il y avait une différence entre les cérémonies en pleine lumière et les cérémonies en semi-obscurité. Dans les premières, l'assemblée était habillée normalement, et dans les secondes, elle était habillée de grandes robes sombres. De même, les prières étaient différentes. Il y avait une sorte de salle de cérémonie centrale, plus importante que les autres. Elles étaient toutes carrelées en damier noir et blanc. Alors, petite parenthèse, ça me fait quand même penser à des loges maçonniques ou crypto-maçonniques. Et d'ailleurs, il paraît que dans les obédiences maçonniques, même ceux qui sont d'un grade très élevé, hein, même jusqu'au 32e, 33e degré, ne peuvent pas rentrer dans les loges où, dit-on, on porte une kippa. Vous voyez? Ce qui est d'ailleurs paradoxal avec le côté laïque d'une certaine franc-maçonnerie. Mais voilà, je ne sais pas du tout s'il s'agit de ces loges dans lesquelles aucun non-juif ne peut rentrer. Hein. Donc elles étaient toutes carrelées en damier noir et blanc. Au besoin, ils écartaient les chaises pour installer du matériel. Au fond, il y avait une estrade avec deux colonnes blanches sculptées, avec dessus et tout autour des écritures inconnues. Entre elles, il y avait une table avec une nappe avec une sorte de losange dessus. Ils pouvaient ajouter un bac en pierre grise pour les bains rituels. Il y avait souvent une musique étrange et sinistre. Il n'y avait pas de fenêtres. La salle était éclairée par de nombreuses bougies, notamment sur de grands et larges chandeliers, tous sculptés, dont les branches n'étaient pas toujours toutes allumées. Ils avaient l'habitude de nous rassembler dans cette pièce. Ils me choisissaient souvent. Lors de certaines cérémonies, je portais une couronne très étrange. J'étais alors habillé d'une robe rouge, avec une ceinture d'or et de diamants. Un vieux chef barbu et chapeau noir posait sa main en haut de mon front. J'étais debout ou à genoux, et il criait des prières en penchant la tête en arrière. Plus nous étions maigres, et plus il nous appréciait pour les rituels. Nous devions alors stopper temporairement les passes. Un jour, on m'emmena dans une salle avec un bac rempli d'un liquide sombre. À l'odeur et à l'apparence, c'était visiblement du sang, d'animal. Tout autour, il y avait une assemblée de chefs avec le bol noir sur la tête. Ils me firent monter nu sur le rebord du bac, les pieds baignant dans le sang. Puis un chef mit comme d'habitude sa main sur mon front, presque sur ma tête. Il récita des prières en tenant un gros livre de l'autre main. Puis son assistant entailla mon bras avec un couteau et versa un peu de mon sang dans le bac. Le maître de cérémonie frappa légèrement mon front de sa paume. Ensuite, il appuya sur mon épaule et me baigna presque entièrement dans le sang. Seul mon visage a été épargné. Il lava tout mon corps et mes cheveux dans le sang. Puis j'ai attendu quelques instants. Le maître de cérémonie avec son assistant sortirent une carafe remplie de sang, remplirent une coupe et la burent. Puis on me sortit, et dans une salle d'eau, on me nettoya le corps au jet. Le sang me collait à la peau et des caillots coagulés restaient dans mes cheveux, puis je m'essuyais avec une serviette. Une fois, ils m'habillèrent d'une grande robe blanche. Une dame, au visage pâle, vêtue d'une robe brune, les cheveux cachés par le petit foulard noir, m'attacha les cheveux en arrière, en une sorte de chignon. Elle avait autour du cou un pendentif en or, en forme de triangle, avec un œil bridé et vide dedans. On m'amena dans la grande salle. Un grand feu brûlait sur l'estrade et les chefs priaient et chantaient tout autour. On m'amena devant le grand feu. Ils jetèrent un gros sac noir dedans qui mit très longtemps à brûler. Ils m'apportèrent une coupe remplie de sang. Je refusais de boire. Alors ils penchèrent ma tête en arrière et me versèrent de force la coupe dans ma bouche. Ils refermèrent ma mâchoire. Je refusais toujours, mais je pense que j'ai dû en avaler quand même. Du sang coulait partout autour de ma bouche, sur ma nuque et derrière mon dos. Fuite. Un jour, je me réveille. Je suis allongé dans une chambre avec un client. Il n'y a plus de préservatif dans le pot sur le rebord du lit. Mon client descend donc en chercher. Mon instinct de survie me donne la force et le courage. Je me lève, m'approche de la fenêtre et je saute. Je tombe du deuxième étage et me casse la jambe. Malgré la douleur, mon instinct de survie me donne la force surnaturelle de marcher. Je ne sais pas où je suis, en Allemagne à première vue. Je marche 10 km le long des routes. Je me cache derrière les arbres et rampe au sol quand des voitures passent, de peur que ce soit les chefs qui me cherchent. Finalement, j'arrête une voiture qui me dépose loin de là chez un ami. Je retourne dans ma famille et je refuse de leur raconter mon cauchemar. Je suis en manque de drogue, nausée, sueur froide, frisson, fièvre. 6 ans plus tard, j'ai 19 ans et je me balade à Paris. J'ai bien changé depuis. J'ai changé de coiffure, de coloration, de style de vêtements, de look. Mais soudain, un homme m'aborde. Je te connais. Tu t'appelles Marie Pinson? Je lui réponds. Non, désolé, je m'appelle Émilie Roche. Il insiste. Je réponds de même. Il s'en va. J'ai peur. Je sais que je viens d'échapper à la mort. Je ne veux plus jamais rester seul à Paris. Voilà, ce sera la fin de cette deuxième partie. À très bientôt pour la troisième partie.